avec Homer de la rue de Saint-Gilles. Ils sont toujours en train de blaguer, en train de blaguer. Et voilà l'histoire des commères. Pendant que les hommes sont partis à l'ouvrage, les femmes s'amusent à moudre du café. Pendant que les hommes sont partis à l'ouvrage, les femmes s'amusent à moudre du café. C'est la première fois, c'est la dernière fois, plus jamais, elle aura ça, moi. C'est la première fois, c'est la dernière fois, plus jamais, elle aura sa loi. Oh là là, les femmes, elles font la noce. Oh là là, c'est toute une bande de roses. Oh là là, les femmes, elles font la noce. Les femmes, elles les ont pour soigner les enfants. La musique à papa, la musique à papa, la musique à papa fait plaisir à maman. La musique à papa, la musique à papa, la musique à papa fait plaisir à maman. La musique à papa, la musique à papa, la musique à papa fait plaisir à maman. La musique à papa, la musique à papa, la musique à papa fait plaisir à maman. Père, et elle aime bien sa mère, elle aime bien son cousin Germain. Et elle aime bien son père, et elle aime bien sa mère, mais celui qu'elle préfère, c'est son petit frère. La musique à papa, la musique à papa, la musique à papa fait plaisir à maman. La musique à papa, la musique à papa, la musique à papa fait plaisir à maman. La musique à papa, la musique à papa, la musique à papa fait plaisir à maman. La musique à papa, la musique à papa, la musique à papa fait plaisir à maman. Toutes les femmes y putent et les hommes y sentent bon. Toutes les femmes y putent, toutes les femmes y putent et les hommes y sentent bon. Il a mis la poudre à son pitch lourd, c'est pour cacher ses boutons. Il a mis la poudre à son pitch lourd, c'est pour cacher ses boutons. Mourser comme de la salade, ça rend les gens bien malades. L'amour c'est un plaisir, quand on sait s'en servir. L'amour c'est si bon, c'est si tendre, selon la façon de s'y prendre. L'amour c'est un plaisir, quand on sait s'en servir. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe mon porte-monnaie, il a l'air à te casser, on peut plus le raccommoder. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe mon porte-monnaie, il a l'air à te casser, on peut plus le raccommoder. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe mon porte-monnaie, il a l'air à te casser, on peut plus le raccommoder. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe mon porte-monnaie, il a l'air à le casser, on peut plus le raccommoder. Où irons-nous le mercredi descendre, à Rosendal ou bien chez Fricoteaux? Au rendez-vous, c'est là qu'on se rassemble pour boire un coup et manger un morceau. Chantons tous ensemble ce joyeux signal, ce qui nous rassemble pour le carnaval. Vive les enfants de Jean Bar, ce sont les femmes Gaïa pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Vive les enfants de Jean Bar, ce sont les femmes Gaïa pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Mets ta main sur le sac, mets ta main sur le sac à pain, tu verras ça fait du bien. Mets ta main sur le sac, mets ta main sur le sac, mets ta main sur le sac à pain, tu verras comme il est long. Mets ta main sur le seau, mets ta main sur le seau, mets ta main sur le saucisson, tu verras comme il est long. Mets ta main sur le seau, mets ta main sur le seau, mets ta main sur le saucisson et tu verras comme il est long. Bah qu'est-ce ça dit, bah qu'est-ce ça dit, bah qu'est-ce ça dit, bah qu'est-ce ça dit, bah qu'est-ce ça dit, bah qu'est-ce ça dit, bah qu'est-ce ça dit, bah qu'est-ce ça dit. Et ils sont là, et ils sont là, Et ils sont là, les Dunkerquois. Et ils sont là, et ils sont là. Et ils sont là, les Dunkerquois. Wish, wish, wish, wish. Bien joué avec mon wish. 5 minutes, c'est pas longtemps. Et puis mon wish, il sera content. Wish, wish, wish, wish. Bien joué avec mon wish. 5 minutes, c'est pas longtemps. Et puis mon wish, il sera content. Elle a jamais, jamais connu l'amour. Elle sait même pas ce que c'est qu'un picholo. Elle a jamais, jamais connu l'amour. Elle sait même pas ce que c'est qu'un picholo. Wish, wish, wish, wish. Bien joué avec mon wish. 5 minutes, c'est pas longtemps. Et puis mon wish, il sera content. Wish, wish, wish, wish. 5 minutes, c'est pas longtemps. 5 minutes, c'est pas longtemps. Et puis mon wish, il sera content.